AXA, partenaire de la relance des pros, soutient l'activité des commerçants locaux. Bonjour. Bonjour, il y a du monde d'ici. Ça n'arrête pas depuis ce matin, mais ça fait du bien tous ces clients. Préparez-vous à nous voir souvent alors. Vous savez, c'est jamais trop. Pour soutenir l'économie locale, AXA a offert à ses clients des bons d'achat à utiliser dans les commerces de proximité. Notre priorité, continuer à accompagner les professionnels dans leur relance. Renseignez-vous sur axalive.fr/relancepro. AXA. Opération sous condition, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Ce matin, en vous réveillant, vous avez peut-être allumé votre radio ou votre télé et vous avez entendu ou vu cela. Le plus grand procès jamais organisé en France, celui des attentats du 13 novembre 2015. Sur le banc des accusés, Salah Abdeslam, seul survivant à des commandos qui ont fait au total 131 morts et des centaines de blessés. Un procès hors normes qui va durer 9 mois. Une salle d'audience a été spécialement construite dans l'ancien palais de justice de Paris. Jean-Baptiste Bourgeon. L'immense salle d'audience en bois clair se dresse entre les colonnes et les statues de marbre de l'historique cour d'appel de Paris. Une prouesse, explique Jean-Michel Ayat, son président. Le défi, c'était de pouvoir accueillir les parties civiles, leurs avocats. Vous êtes donc dans la plus grande salle d'audience jamais construite en France, qui permet d'accueillir, dans des conditions parfaitement satisfaisantes, 550 personnes. Procès historique également sur le fond, avance François Molins, ancien procureur de la République de Paris. Les associations sont allées au bout, elles ont pu démonter véritablement beaucoup de choses. Et puis là, véritablement, on va se trouver dans le box avec des accusés qui ont une part extrêmement importante, pour pas dire parfois essentielle, dans l'organisation, la préparation et puis le passage à l'acte des commandos. Hein. Les débats débuteront à 12h30 pour laisser le temps aux 11 accusés répartis dans plusieurs prisons franciliennes d'être acheminés dans le box. Qui sont les djihadistes? Quel est leur profil, leurs attentes, leurs projets? Comment en vient-on à commettre des attentats terroristes? Comment peut-on punir et enrayer de tels actes? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Micheron. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'université Princeton aux États-Unis. Vous êtes d'ailleurs à Princeton en ce moment même. Vous travaillez au département des études proche-orientales. Vous êtes l'auteur de Djihadisme français, quartier, Syrie, prison, qui est paru aux éditions Gallimard, collection Esprit du Monde. C'était en 2020. Alors, c'est un essai mené à partir de 80 entretiens avec des terroristes incarcérés. Vous qui avez suivi au plus près, qui avez entendu la parole de ces terroristes, qu'attendez-vous du procès qui s'ouvre aujourd'hui, le procès des attentats du 13 novembre 2015. Alors en fait, les procès, de manière générale, ont une fonction cathartique qui est très importante pour penser un certain nombre de blessures réelles dans le cadre de ce procès du 13 novembre, de blessures évidemment psychologiques et puis de blessures symboliques, puisque à travers ces attentats qui ont visé les terrasses parisiennes, une salle de spectacle avec le Bataclan et une enceinte sportive à travers le Stade de France, c'est en fait aussi un modèle qui était visé, un mode de vie. Et donc derrière, le fait de rendre justice 6 ans après, c'est aussi reprendre en main le tempo qui avait été imposé ce soir-là par les djihadistes, de passer outre la sidération et puis aussi de faire remonter un certain nombre d'éléments, puisque ce procès que certains qualifient de procès du siècle est aussi un moment où en fait on revient en détail sur les origines, non seulement de ces complots et du djihadisme des membres du commando, mais aussi plus largement une vraie discussion sur ce qu'est le djihadisme, et en l'occurrence ce djihadisme européen qui s'est manifesté ce soir-là dans les rues de Paris. Donc vous êtes spécialiste du djihadisme français sur le territoire européen et en particulier en France. Vous pensez véritablement que ces procès vont pouvoir éclairer la nature du djihadisme? Est-ce qu'on n'a pas déjà une certaine idée du djihadisme? Est-ce qu'on ne va pas plaquer lors de ces procès une construction déjà à partir des sciences humaines ou par exemple à partir de vos travaux sur ce qu'est le djihadisme? En quoi ces procès vont pouvoir éclairer d'une nouvelle manière ce qu'est le djihadisme? C'est un procès exceptionnel, hein. Il dure 9 mois. Dans lequel vont intervenir des centaines d'acteurs, aussi bien des membres de la justice, des acteurs de la justice, des avocats, des membres des juges, du parquet général, mais aussi des intervenants extérieurs, des témoins, des victimes. Et en fait, il y a énormément de choses qui se passent dans les procès. On peut aussi se référer à ce qui s'était passé au moment du procès du 7 et 9 janvier, des attentats du 7 et 9 janvier l'année dernière, où en fait, énormément de choses ressortent des témoignages. Et en fait, c'est aussi les procès produisent en fait de la connaissance. Et en la matière, on n'en a jamais assez sur le djihadisme de connaissance. À vrai dire, on a souvent eu du retard. Et donc, ce sont des points d'orgue en fait du fonctionnement démocratique qui sont extrêmement importants. Et je crois qu'il ne faut pas du tout sous-estimer l'importance de ce qui se joue, je veux dire, au-delà de la dimension judiciaire. Au-delà de rendre justice, qui est une fonction indispensable en démocratie, il y a des choses qui se passent pendant les procès qui permettent aussi de refaire société autour de la question terroriste qui, par définition, est une question clivante. Donc je pense qu'entre maintenant et la fin du procès, qui est donc prévu autour de la fin mai, énormément de choses vont se passer et ça produit des effets sur une société comme, démocratique comme la France à partir du moment où on est capable, effectivement, de couvrir ce procès. Et là, il a une couverture exceptionnelle, donc je pense que c'est un moment très important. Quelle définition pouvez-vous nous donner, Hugo Micheron, du djihadisme ? Très bonne question et je n'aurais pas la c'est prétention... C'est l'enjeu de cette émission, donc autant mettre les pieds dans le plat. Absolument, et je n'aurais pas prétention à finalement couvrir l'étendue de ce champ, puisque c'est débattu abondamment dans le monde académique. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que le djihadisme est un phénomène qui a une histoire, dont l'histoire contemporaine, pour aller chercher celle qui nous concerne le plus aujourd'hui, peut-être retracée et remontée aux années 80, c'est-à-dire à la période de la guerre d'Afghanistan suite à l'invasion soviétique, donc on est en pleine guerre froide, dans lequel va apparaître un certain nombre d'individus qui vont se réclamer d'une idéologie qu'ils appellent le djihad, et qui est en fait un rapport à l'histoire islamique dans lequel finalement il sanctifie d'une certaine manière les premiers temps de l'islam. Et donc le djihadisme est une idéologie dont le point de départ c'est une image idéalisée de ce que sont les fondements de l'islam. C'est-à-dire que pour ces acteurs qui apparaissent encore une fois dans un contexte différent du nôtre aujourd'hui, qui est le contexte de la fin de la guerre froide, dans lequel donc l'URSS s'aventure en Afghanistan, pays par ailleurs qui n'a jamais été durablement conquis, et qui va susciter l'intérêt américain, qui voit cet événement finalement comme une sorte de possibilité d'infliger un Vietnam à l'envers à l'URSS et de saigner l'ours soviétique en Afghanistan en soutenant tous les volontaires prêts à combattre l'URSS en Afghanistan. Et va en fait s'organiser pendant toute la décennie des années 80 un système de va-et-vient de combattants issus du monde musulman qui vont aller lutter contre l'URSS parce qu'elle est perçue comme finalement la puissance internationale athée ou anti-islamique par définition. Et non et pas donc, contre les États-Unis à ce moment-là. Dans les années 80, l'ennemi ne sont pas les États-Unis. Exactement à l'inverse, c'est-à-dire que les États-Unis vont apporter leur soutien. C'est la guerre d'Afghanistan, c'est la plus grande opération de l'histoire de la CIA, qui, en coordination avec l'Arabie Saoudite notamment et les services pakistanais, vont soutenir ce qu'ils appellent à l'époque les Freedom Fighters, les combattants de la liberté. Et parmi ceux-ci, on va trouver ceux qui se désignent eux comme les Mujahideen, donc les combattants du djihad, qui vont prendre forme et qui sont en fait des milliers d'individus issus de l'ensemble du monde musulman. Et c'est, si vous voulez, c'est pas une première. Ce qui est une première dans la guerre d'Afghanistan, c'est d'une part qu'il y en ait autant, il y en a plusieurs milliers, d'autre part qu'ils viennent d'horizons si différents, et surtout qu'ils vont avoir conscience, ils vont prendre conscience dans la lutte contre les soviétiques, qu'ils forment finalement un phénomène nouveau. Et il y a notamment un individu qui est très important dans ce cadre général, c'est un certain Abdallah Azzam, qui est un palestinien, un théologien, donc quelqu'un de très formé, qui était professeur de sciences islamiques à l'université de Amman en Jordanie. Et cet Abdallah Azzam va finalement théoriser ce qui est aujourd'hui le djihad contemporain. Il est d'ailleurs toujours désigné et connu parmi les djihadistes européens aujourd'hui comme Abu Jihad, donc le père du djihad, si vous voulez. Et celui-ci, et ça c'est très important, définit le djihad avant tout comme un retour aux sources. Et là, il faut, je crois, sortir d'un certain nombre d'écueils sur lesquels bute le débat public en France et plus largement en Europe, ne voit pas du tout que le djihadisme, en fait, n'est pas l'affaire d'individus totalement perdus, ni totalement fous, ni totalement fanatiques. Ou alors, s'ils le sont, de quoi sont-ils si fanatiques ? Eh bien, en fait, ils portent en eux une utopie. Et cette utopie, elle repose sur une image idéale du passé, selon eux, le premier siècle de l'islam, celui qui correspond à la période dans laquelle Mahomet, le prophète de l'islam, a vécu, suite à la révélation donc du Coran par l'archange Gabriel, hein, qui révèle le mot de Dieu. C'est ça le Coran. Finalement, la prédication du prophète Mahomet et puis les premiers musulmans qui l'ont entouré et qui ont, en l'espace d'un siècle et demi, diffusé la parole de l'islam aux quatre coins du monde connu de l'époque, c'est-à-dire entre 610, le début de la révélation à Mahomet, et jusqu'à, finalement, le milieu du 8e siècle, l'islam se répand, si vous voulez, de l'Atlantique à l'ouest jusqu'à la Chine à l'est, c'est-à-dire littéralement les quatre coins du monde connu de l'époque. Et donc, pour eux, pour les djihadistes qui, en 1980, réfléchissent au sens qu'ils donnent à cette guerre d'Afghanistan, ils y voient finalement, là, un élément très important de retour aux sources. Selon eux, ces premiers siècles de l'islam étaient l'âge d'or, le moment où l'islam s'est répandu partout dans le monde. Alors il a rencontré des limites, mais il a connu une expansion qu'aucun empire n'avait connue jusqu'alors dans l'histoire de l'humanité, en si peu de temps. Et derrière, ils disent, mais finalement, pourquoi le message coranique, la promesse divine qui est contenue dans le Coran et dans l'eschatologie musulmane, pourquoi on n'a pas finalement conquis l'ensemble du monde, comme c'est promis par Dieu? Ce que vous nous dites là, c'est qu'en fait, dès les années 80, le djihad était tout de suite le djihadisme, c'est-à-dire un mouvement peut-être hétérogène dans sa provenance, mais finalement homogène dans son désir et dans son idéologie. Oui, alors c'est le djihadisme en tant qu'idéologie, c'est la rencontre de plusieurs mouvances islamistes qui existaient déjà. Pour le faire très simplement, une partie de la frange des frères musulmans égyptiens qui s'étaient radicalisés dans les prisons de Nasser et qui va rejoindre l'Afghanistan des années 80 d'une part, et d'autre part, une partie de la mouvance plutôt, on qualifierait aujourd'hui de salafiste, donc plutôt des individus influencés par le wahhabisme saoudien et qui vont se projeter également en Afghanistan. Et la rencontre des deux, si vous voulez, c'est Abdallah Azzam. C'est le salafo-djihadisme, c'est-à-dire ils vont reprendre des modes d'action des frères musulmans radicalisés d'une part, et d'autre part, une rigidité doctrinale qui est celle des salafistes plutôt influencés par les visions religieuses de l'Arabie saoudite. Et donc, ces deux éléments sont importants parce que, finalement, ce que disent ces individus, c'est qu'ils se jouent en Afghanistan bien plus qu'une lutte contre l'Union soviétique, ils se jouent en fait la possibilité de retourner à ce qu'était l'islam de l'origine. Et ça, c'est une image totalement fantasmée. Ils ont une image, si vous voulez, du premier siècle de l'islam, qui est celle d'un monde parfait où règnent les lois divines. Et pour eux, tout ce qui est l'histoire, tout ce qui a été le développement de l'islam entre le 8e siècle, si vous voulez, et nos jours, a été une série d'innovations, ce qu'ils appellent les bid'ahs, c'est-à-dire qu'en fait, l'islam s'est peu à peu perdu parce que les individus ont abandonné la nécessité de sa propagation, c'est-à-dire ils ont abandonné le djihad. Et donc, eux disent, en revenant au djihad originel, à celui qui nous permet de lutter contre les impies, en l'occurrence les soviétiques, nous renouons avec cette histoire islamique. Et donc, c'est là où l'utopie, si vous voulez, est très importante. L'utopie, c'est, il se réfère au présent, c'est-à-dire dans les années 80, à un âge d'or passé qu'ils veulent faire revivre en vue d'un nouveau futur. Et donc, quand ils combattent contre l'Union soviétique, et ça, Abdallah Azzam est très clair, il dit, c'est le début. C'est le début de quelque chose qui, demain, doit nous amener à faire tomber les autres régimes impies, simplement pour renouer avec cette histoire islamique qui a déraillé, selon eux. Et en ça, c'est un discours réactionnaire. En ça, si vous voulez, c'est important de comprendre que le djihadiste réactive des idées et des images idéales de l'islam au présent, en vue d'un nouveau futur. Je vous propose, Hugo Micheron, d'écouter la voix de Henri Desroches, justement un sociologue sur cette question de l'utopie. Un projet utopique peut se définir comme le projet imaginaire d'une société alternative, d'une autre société. Et dans la mesure où les utopies écrites, qui sont les plus connues, sont coordonnées très souvent avec toute une série d'utopies pratiquées, où le rêve de l'écriture a essayé de se traduire dans la rugosité des réalisations. L'utopiste, c'est celui qui imagine une autre société, généralement sous la forme d'une micro-société, d'une petite société qu'il conçoit lui-même comme une contre-société, laquelle contre-société se trouve très souvent avoir été non seulement voulue, mais vécue comme la tête de pont d'une société de rechange. C'est pas un révolutionnaire violent, encore qu'il y a des utopies violentes. Il y a des utopies de croisade, il y a des utopies de guerre, il y a des utopies de djihad. Ils préfèrent procéder par expérimentation d'ailleurs. Ils espèrent de l'expérimentation une force de contagion, un peu microbienne, qui envahira le tissu social et qui progressivement occupera le terrain. On vient d'entendre la voix d'Henri Desroches, donc sociologue disparu en 1994. C'était une archive du 27 mars 1978. On l'a bien entendu développer cette théorie de l'utopie et notamment insister sur cette idée de l'utopie violente qui procède par expérimentation, comme c'est le cas du djihad, Hugo Micheron. Oui, je vous remercie pour cette archive d'Henri Desroches que je trouve absolument formidable de l'entendre parler de djihad. Je trouve que c'est intéressant parce que justement son travail souligne à quel point, enfin, il fait ce lien entre utopie pratiquée, en l'occurrence une utopie violente, et le djihad. Et il se trouve que il évoque par la suite le fait que les utopies violentes procèdent par expérimentation microbienne. Il a ce propos et il dit qu'elles finissent par se développer et occuper le terrain. Et en fait, quand on regarde la dynamique, si vous voulez, d'expansion du djihadisme depuis la guerre d'Afghanistan, c'est exactement la façon dont ils ont fonctionné. Les premiers djihadistes autour d'Abdallah Azzam se rassemblaient dans la ville de Peshawar, qui était, si vous voulez, devenue une espèce d'énorme plateforme. C'est à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, et en fait c'était la porte d'entrée de tous les volontaires musulmans, djihadistes, en l'occurrence dans les années 80 en Afghanistan. Et donc ils ont commencé par se rassembler à Peshawar, qui est devenu une sorte de modèle qu'ils ont ensuite reproduit un peu partout. Parce qu'après la fin de la guerre froide, donc l'URSS se retire d'Afghanistan en 1989. La même année, le mur de Berlin s'effondre, et 2 ans plus tard, c'est l'URSS qui disparaît à son tour. Et en fait, du point de vue américain, si vous voulez, le problème est réglé. Ils ont réussi leur Vietnam à l'inverser, et là-dedans, les Moudjahidines ont été, si vous voulez, de simples combattants supplétifs. Mais du point de vue djihadiste de cette mouvance qui vient de renaître, enfin qui vient de naître en tout cas dans sa forme contemporaine en Afghanistan, eux, leur victoire, ils la doivent à Dieu, au fait qu'ils ont renoué avec les canons de la foi par leur rigidité doctrinale. Et donc en fait, ce n'était qu'une étape. Et les braises mal éteintes de la guerre froide vont finir par rallumer des foyers djihadistes un peu partout dans les années 90. En Algérie, c'est le GIA dans la guerre civile algérienne. En Bosnie, avec l'explosion de l'ex-Yougoslavie. En Tchétchénie, en Égypte, etc. Et en fait, ces individus ont pour la plupart été des vétérans d'Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils se sont recyclés après l'Afghanistan dans ces différents conflits. Et un certain nombre d'entre eux vont arriver en Europe. Et ça, c'est le début, finalement, de l'implantation ou de la transplantation, si vous voulez, de cette idéologie des confins de l'Himalaya, c'est-à-dire les montagnes afghanes, vers les périphéries des grandes villes arabes et européennes. Et ça, c'est très important de le comprendre, puisque la façon dont ils vont s'implanter en Europe, ça va être de reproduire en grande partie la société de Peshawar. Donc ces petites expérimentations microbiennes qu'évoquait Desroches, je ne sais pas si je le formulerai comme ça aujourd'hui, mais en tout cas, des petites enclaves qui vont apparaître notamment dans le cadre du Londonistan, de ce qui a été désigné comme le Londonistan des années 90, qui était en fait un regroupement d'idéologues djihadistes, quasiment tous passés par Peshawar ou par l'Afghanistan, et qui vont commencer à faire de la prédication, mais cette fois-ci auprès des jeunes britanniques, dont sortiront, en fait, 10 ans plus tard, notamment les auteurs des attentats du 7 juillet 2005 à Londres, attentats contre le métro et les bus londoniens. Et en fait, ce système, on le retrouve un peu partout. C'est ce que j'essaye de montrer dans mes travaux. Donc c'est par exemple Toulouse, le quartier de Molenbeek en Belgique. Ça, c'est un cas, par exemple, d'enclave et de diffusion, en fait, du djihadisme. Ben, en fait, ça rejoint cette histoire. C'est-à-dire que si vous regardez Molenbeek, ça fait depuis 30 ans qu'on peut relier les dynamiques qui se développent autour du salafisme molenbeekois à l'arrivée de ces vétérans, alors du djihad en l'occurrence en Bosnie, en Algérie et dans une moindre mesure en Afghanistan. Mais les premiers porteurs de cette idéologie arrivent très tôt à Molenbeek dans les années 90. Et à l'origine, ils vont mettre en place des méthodes de prédication qui sont pas du tout violentes par ailleurs, qui sont, ils font des centres salafistes, hein, mais d'éducation religieuse. Donc ils vont occuper ce terrain, comme l'évoque Henri Desroches. Ils vont développer une sorte de petite machine de prédication locale qui au début va faire des émules à l'échelle d'une dizaine de personnes. Mais ces dizaines de personnes finalement vont petit à petit s'affirmer et sur 20 ans, ça donne des écosystèmes de 100 à 200 personnes. Et c'est dans ces écosystèmes qu'on va trouver la quasi-totalité des départs des 6000 Européens pour la Syrie en 2015. Ce qui est intéressant, Hugo Micheron, c'est que dans ce que vous dites, il y a un parallèle à faire entre la diffusion, on va dire, de cette idéologie, la diffusion spatiale et la diffusion plus philosophique, si j'ose dire, de cette idéologie qui, elle, par ailleurs, ne va pas du tout se transformer ou alors va devenir de plus en plus floue. Est-ce que cette diffusion, en fait, du djihadisme à travers l'Europe va-t-elle renforcer le djihadisme ou va-t-elle aussi le perdre? C'est tout le paradoxe aussi de cette implantation du djihadisme et de cette diffusion du savoir djihadiste. Oui, vous avez raison. En fait, il y a deux choses. Il y a d'une part, si vous voulez, la logique militante qu'on peut donc aborder à travers cette approche qui est en fait une histoire-géographie du djihadisme européen et dont la généalogie, comme je viens de l'évoquer, nous ramène très vite à l'Afghanistan et puis après à ses modalités de diffusion propres en Europe. En Europe et d'ailleurs au Moyen-Orient, puisque ce sont les mêmes dynamiques, fonctionnent selon les mêmes schémas. Mais il y a aussi autre chose qui est quel est le rapport, finalement, dans un contexte européen de jeunes Européens nés et grandis en Europe à cette idéologie en tant que telle et qu'est-ce que ça évoque dans un contexte européen. Et là-dessus, il est très important, encore une fois, d'avoir en tête la puissance de ce qu'est une utopie qui définit en fait une identité, qui définit des figures de référence situées dans un ailleurs, dans un passé mythifié, qui définit une sorte de monde alternatif. Henri Desroches, dans son propos, parle de contre-société, donc de système alternatif, et donc des modèles, des images de référence, un rapport à la justice. Le modèle djihadiste, si vous voulez, si vous écoutez les djihadistes à l'heure actuelle, ne font que parler de justice. Pour eux, la justice, c'est la justice divine qui s'impose à toutes les justices humaines. Donc typiquement, ça s'explique aussi par le fait qu'ils voient d'un très mauvais œil des procès comme ceux du 13 novembre ou ceux du 7 et du 9 janvier de l'année dernière, puisque c'est la justice humaine qui s'impose à eux. Et ça, c'est l'antithèse, si vous voulez, de ce qu'ils proposent dans leur utopie. Alors c'est toute la question, Hugo Micheron, de quoi est faite véritablement cette utopie, à savoir, donc vous l'avez dit aussi, d'un retour à un islam mythifié, perdu, d'essence religieuse, mais c'est aussi l'idée d'une utopie qui soit radicale, radicalement différente. Est-ce que c'est aussi quelque chose de quoi est faite cette utopie aussi? Est-ce que c'est pas seulement de religion, pas aussi seulement de sa forme, mais aussi en fait d'un ailleurs, c'est-à-dire d'une autre terre? Là, je parle pas seulement en termes idéologiques, mais aussi de territoire. Qu'est-ce qui constitue cette utopie? Et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe, et on le sait, de l'utopie, c'est que l'utopie par définition, c'est son étymologie, n'existe pas, elle n'a pas de lieu. Donc en fait, c'est une utopie qui s'effondre d'elle-même, si je puis dire. Oui, alors il y a à ce sujet quelque chose de très important, c'est que l'utopie djihadiste est en fait une utopie faite de certitude. Et ça, c'est important de le savoir, puisqu'en fait, toute à la fois la force et la faiblesse du djihadisme, c'est qu'eux disent qu'ils n'inventent rien, qu'ils mettent juste en place ce qui devrait être la marche de l'histoire qui, selon eux, est déjà contenu dans l'eschatologie musulmane, puisqu'il est écrit, selon eux, et c'est immuable, c'est la parole de Dieu, que la fin du monde se fera au moment où l'ensemble de l'humanité deviendra musulmane. Et donc, eux considèrent, si vous voulez, qu'ils ont juste à mettre en place ces commandements divins. Donc, c'est une certitude. Et de ce point de vue-là, et je fais aussi référence à un autre sociologue qui partageait par ailleurs beaucoup d'amitié avec Henri Desroches, Jean Segui, un sociologue des religions toulousain, qui disait en fait que l'Éden est aussi utopia. Et donc oui, une utopie dans sa forme a l'air totalement inatteignable, mais il y a une manière de mettre en marche une utopie qui en fait donne l'impression de retourner ou de pouvoir accéder à l'Éden, c'est-à-dire au paradis perdu. Et ça, c'est ce dont ils s'approchent ou pensent s'approcher, si vous voulez, à chaque fois que ces djihadistes entreprennent quelque chose en grand. Quand Daesh en appelle à l'ensemble des musulmans du monde entier pour rejoindre ce qu'ils appellent un califat, qui est en réalité une entité djihadiste, une sorte d'administration djihadiste au milieu du désert, ils en appellent finalement à cette idée de dire « si vous ne nous rejoignez pas, on ne pourra pas accomplir la promesse divine ». Et donc c'est pour ça qu'ils disent « c'est de la responsabilité des musulmans du monde entier de nous rejoindre. » Et c'est ce discours-là, si vous voulez, qui va toucher au-delà des cercles djihadistes. Et parce qu'il joue avec des images qui appartiennent pas seulement aux djihadistes, il joue avec des images qui sont contenues dans la tradition islamique au sens large. Et donc, pour répondre à votre question, la dimension idéologique nous amène directement sur le terrain du religieux. Mais pas seulement. On aurait tort d'opposer la dimension religieuse et la dimension politique. Et c'est très souvent fait dans le débat public. Et sincèrement, je pense qu'il n'y a aucune raison valable d'opposer politique et religieux. C'est-à-dire politique. Qu'est-ce que vous entendez par politique, là? La dimension politique et la dimension religieuse, d'accord, mais la dimension politique? la dimension politique qu'on entend très souvent au sujet du djihadisme, une sorte d'explication qui est par ailleurs très rassurante, donc j'en comprends l'utilité dans le débat public, mais elle est peu convaincante, on va dire, sur le plan intellectuel, ça serait de dire, finalement, ces individus se rebellent. Ils se rebellent contre les injustices d'un système, ils se rebellent contre la marginalisation économique, politique, culturelle, enfin avec... En gros, le djihadisme serait un modèle alternatif au capitalisme occidental. Oui, et on va dire tout simplement à un certain nombre d'injustices ressenties personnellement et collectivement par certaines populations. Cette analyse, on peut l'entendre, mais si on réduit l'analyse du djihadisme à ça, on rate tout ce qu'on vient d'évoquer. En revanche, si on ne voit que ce qu'on vient d'évoquer, on va rater la façon dont cette utopie va résonner à un certain nombre d'individus. Et c'est pour ça qu'il faut, je crois, mener les deux de front, c'est-à-dire être capable de comprendre comment fonctionnent les sociétés européennes, mais aussi comprendre la logique militante propre du djihadisme. Et là-dessus, on manque encore beaucoup d'éléments pour reprendre notre discussion du début autour du procès du 13 novembre, pour tout simplement poser un diagnostic sur les conditions du développement du djihadisme en Europe. Mais ce qui est certain, c'est qu'entre les années 90, où on avait quelques dizaines de djihadistes en Europe, et les années 2010, avec le pic de Daesh en 2015, où on avait 6000 djihadistes européens, ce qui est certain, c'est que ça s'est développé de façon très rapide. Il y a peu de phénomènes politiques et religieux qui se sont développés aussi rapidement sur la même période en Europe. Et donc là, il faut quand même considérer qu'on a affaire à un phénomène d'une importance majeure. Je vais en Bosnie pour des raisons droits de l'homiste, pour faire simple. Ce ne sont pas mes convictions musulmanes ou religieuses qui m'incitent à y aller. En revanche, sur place, les conditions sont telles que vous comprenez vite que votre vie ne tient qu'à la décision du directeur d'un checkpoint ou d'un responsable de commissariat. Donc, vous vous rendez compte que vous pouvez y passer très rapidement et vous avez besoin de vous raccrocher à une idéologie qui fait abstraction de la notion de la mort. On vous donne un truc qui vous permet de la sublimer. Donc, quelque part, vous la cherchez plutôt que de la fuir. Et ça vous fait devenir quelqu'un qui n'a peur d'aucun adversaire. Le contre-champ, quand vous décidez de mourir martyr, ça sous-entend que vous décidez de tuer les autres. Le paradigme a changé. Avant, il fallait avoir la volonté d'accéder aux discours et aux images. Aujourd'hui, celle-ci s'invite chez vous par le biais d'Internet. Donc c'est le seul changement notable. Mais l'idéologie est la même, c'est l'idéologie wahhabite. C'est une archive du 23 mai 2016 dans le magazine de la rédaction de France Culture que nous venons d'entendre. On y a entendu la voix de l'ancien djihadiste David Valla. On entend bien dans son témoignage d'ancien djihadiste qu'il a séduit dans l'idée du djihadisme ce fantasme aussi, cette part de fantasme d'une mort qui ne ferait pas peur, ce sentiment presque d'être invincible, qui rejoint à la fois la part politique qu'on doit mener de front avec la part religieuse, Hugo Michaud. Est-ce que ces trois dimensions vous semblent, comment dire, aller ensemble pour pouvoir affronter le problème de qui se lance dans le djihadisme? Oui, et ce qui est intéressant dans la première partie de son témoignage, c'est qu'on entend bien la distinction entre l'utopie écrite, c'est-à-dire il y allait pour tout un tas de causes qu'il jugeait nobles, et en fait la réalité de l'utopie pratiquée, c'est-à-dire qu'une fois sur place, il se rend compte que sa vie dépend de l'arbitraire d'un individu armé à un checkpoint. Et ça, si vous voulez, c'est l'expérience de beaucoup de Français aussi. Ce qu'on lit d'ailleurs dans les entretiens dans votre livre, d'anciens djihadistes qui effectivement racontent leur expérience sur le terrain, par exemple, et qui vont dire qu'il y avait beaucoup d'ennuis, beaucoup d'hiérarchie, presque rien à faire, et finalement on est loin de l'image qu'on peut véhiculer du djihadisme. Oui, et qui en fait avaient construit, si vous voulez, une sorte de monde parfait dans leur tête depuis, selon leur perception, dans les milieux salafistes européens, qui une fois arrivés en Syrie, un pays qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ignoraient toute la culture par ailleurs, ils ont été en décalage et très loin de se positionner dans la peau de sauveur des Syriens. Ils se sont rendu compte que beaucoup de Syriens ne voulaient pas d'eux, et tout simplement que la réalité du djihad était atroce. À commencer par les gens qui ont servi au front dans l'une des guerres les plus violentes de la période récente. Et donc, tout ça questionne. Et ce qui est intéressant dans la deuxième partie, je trouve, de ce témoignage de David Valla, c'est que finalement, il dit mais on s'en remet à l'idéologie et on passe outre. Et on finit par accepter cette situation-là. Et ça, c'est très important, je crois, notamment pour comprendre la période dans laquelle on est aujourd'hui, qui est celle de l'après-Daesh. Après-Daesh, au sens où Daesh, en tant que califat djihadiste, s'est effondré et ils n'ont plus de contrôle véritable à l'heure actuelle sur le nord de la Syrie et sur l'ouest de l'Irak, en tout cas plus dans les mêmes dimensions. Et beaucoup des djihadistes que j'ai pu interroger, je les ai rencontrés à ce moment clé où Daesh était en train de s'effondrer militairement. Et en fait, ils reformulaient leur enthousiasme différemment. C'est-à-dire que plutôt que de se rendre compte que, en ayant rejoint Daesh, bah finalement, ils ont rejoint un projet qui a terminé dans le mur et qui devrait les amener à questionner finalement ces certitudes que leur ont donné leur adhésion au djihadisme, qui leur explique que la marche de l'histoire c'est celle-ci, etc. Cet échec qui a été sanctionné, qui est l'échec de Daesh, pour eux était en fait totalement réécrit dans leur tête. Ça devenait l'échec non pas du djihad, mais l'échec de Daesh, qui était une organisation qui l'avait mal incarné. Et ça, c'est très important parce que ça fait partie de ces... C'est une constante dans les projets millénaristes et utopiques. Oui, le terme millénariste, c'est un terme qu'on n'a pas encore employé, mais c'est effectivement une manière d'approcher cette utopie djihadiste. Oui, absolument. Et de croire, en fait, qu'il faut que l'homme doit se préparer à la fin des temps. Et donc, ça conditionne tout un tas de comportements dans le monde actuel. Et donc, par rapport à ça... Les djihadistes vont dire, finalement, l'échec de Daesh, Daesh était simplement le mauvais véhicule, mais sur la bonne route, qui était la route du djihad. Donc, il faut trouver autre chose. Et c'est comme ça, finalement, qu'un échec peut donner naissance, en fait, à encore plus de convictions chez les djihadistes. C'est que, encore une fois, on ne peut pas remettre en cause le principe fondamental auquel ils croient, qui est la certitude historique du salut divin. Mais d'où vient cette conviction, cette croyance, Hugo Micheron ? Je crois qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est quand on se dit, et quelque chose qui bute, et qu'on attend peut-être aussi de ces procès qui vont s'ouvrir, de ce procès qui va s'ouvrir aujourd'hui, c'est qui sont les djihadistes ? Pourquoi tout à coup, si ça n'est pas seulement des raisons psychologiques, ça n'est pas un individu isolé, comme on a pu le croire souvent avec Mohamed Merah, si ça n'est pas seulement des conditions matérielles, économiques, sociales, politiques, si ça n'est pas seulement religieux, culturel, qu'est-ce qui fait que certains deviennent djihadistes et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir enrayer ce mouvement du djihadisme, puisque de toute façon, qu'Al-Qaïda échoue, que les talibans échouent ou que Daesh échoue, ce mouvement-là va sans cesse se régénérer. Oui, mais alors ça vaut pas pour tout le monde. Ça vaut pour certains. Et à vrai dire, c'est là où il faut réussir à se positionner sur toutes les questions de propagande, etc. Parce que c'est, comme le dit David Valla, ces propos sont aussi, finalement, trouvent un écho parce qu'ils sont relayés désormais sur les réseaux sociaux, dans un certain nombre de productions médiatiques, etc. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser à ces grands récits. Parce que c'est, pour répondre à votre question, le djihadisme en fait renvoie à une vision du monde. C'est une croyance, mais qui construit des catégories. Des catégories qui sont par ailleurs très claires, très définies. Il y a les bons croyants, donc ceux qui rejoignent le djihadisme sont les meilleurs des musulmans. Dans les mots d'Abdallah Azam qu'on évoquait au début, ils représentent l'avant-garde de l'islam. Et puis ensuite, il y a les autres musulmans qui sont tantôt les mauvais musulmans, donc des apostats, des murtaddin en arabe, ceux qui doivent en fait périr par l'épée parce qu'ils ont trahi la religion, ou tantôt des recrues potentielles qu'il faut donc aller séduire, qu'il faut aller donc recruter. Et puis vous avez ensuite le grand monde de la mécréance, dans lequel les gens ont différents statuts, avec tout en bas les païens, qui renvoient en fait aux païens du temps du prophète, qui eux, donc le châtiment, c'est la mort et l'esclavage, c'est typiquement la façon dont Daesh a traité les yézidis, par exemple, au mont Sinjar en Irak. Vous avez ensuite les gens du livre, les chrétiens et les juifs, qui sont tantôt les ennemis paradigmatiques et tantôt ceux qui, s'ils acceptent la supériorité des lois d'Allah et donc la suprématie des djihadistes tels qu'ils se présentent, seront pardonnés, enfin pourront vivre selon un système de citoyens de deuxième zone, si vous voulez. Et ça, c'est donc, vous voyez, c'est des catégories de pensée qui régissent aussi une vision du monde et qui sont assez faciles à déployer. Et donc c'est pour ça qu'on a un grand récit, là. On a derrière ça des catégories de pensée qui peuvent être par ailleurs assez rassurantes pour des individus qui sont totalement perdus. Et c'est là où, encore une fois, il faut faire le lien avec les différentes strates de ce que compose le djihadisme européen, c'est-à-dire aussi bien des idéologues qui vont adapter ces catégories de pensée à la réalité politique européenne, mais aussi un certain nombre d'individus perdus qui vont y trouver là-dedans un réconfort, puisque ça leur donne enfin une grille de lecture du monde. Dans les deux cas, est-ce que c'est pas quand même cette idée de perte ou de déshérence aussi qui prime ? C'est-à-dire que le djihadisme s'infiltre aussi dans des brèches ou dans des critiques qu'on pourrait adresser et qui, aux sociétés dans lesquelles on vit, et on ne trouve pas finalement d'alternative. Oui, et exactement. C'est problématique parce que c'est déjà justifié d'une certaine manière le djihadisme. Vous voyez, on est toujours pris en fait entre ces deux, dans ce mouvement de balancier entre expliquer et justifier. Ben oui, mais au milieu, il y a comprendre. Et ça, c'est ça, je pense, la nécessité du travail actuel, il doit porter sur la nécessité de comprendre la façon dont fonctionne ce phénomène. Et là, ce que je vois en fait par rapport à l'élément que vous pointez, c'est la possibilité tout simplement de distinguer deux choses. Le djihadiste d'un côté tient un discours contre la modernité, tout en étant par ailleurs un phénomène très moderne, puisqu'il est né dans sa version contemporaine, on est né dans les années 80, et que je pense qu'au sens politique du terme, les djihadistes sont des acteurs modernes. Mais mettons ça de côté, donc il y a un discours qui est contre la modernité européenne, notamment contre la démocratie occidentale, et qui est très vénéneux, qui est très politique, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et ils considèrent sincèrement que, si vous voulez, ils sont l'antithèse du modèle occidental et du modèle démocratique. Et c'est là-dessus que portent la plupart de leurs attaques dans leur propagande, etc. Mais il y a de l'autre côté, et c'est ce point-là qu'on rate la plupart du temps, et c'est celui-là, à mon sens, qui est l'un des plus importants à l'heure actuelle, un discours djihadiste qui se fait contre l'islam. Qui se fait contre l'islam tel qu'il est pratiqué en Europe, donc contre l'islam européen, qui se fait contre les institutions de l'ensemble du monde musulman, les institutions séculaires du monde musulman. Et ça, on a tendance à ne pas comprendre que le djihadisme est aussi une arme de destruction de l'islam de l'intérieur. Et si on ne le voit pas et si on ne s'y intéresse pas, on va laisser l'islam européen, si vous voulez, en pâture. Autrement dit, si on identifie le djihadisme à l'islam, on perd sur tous les fronts. Exactement, mais si de la même façon on ne veut pas voir que les djihadistes mobilisent un certain nombre d'éléments en finalement réécrivant l'histoire des débuts de l'islam, un certain nombre de concepts qu'ils détournent, et ils sont très habiles pour ça, pour détourner le sens religieux, le sens originel, en décontextualisant totalement ce qu'a été les débuts de l'islam, si on ne voit pas qu'en fait ils agissent aussi sur ce front, on risque finalement de ne pas comprendre comment le djihadisme passe de quelques dizaines de personnes dans les années 90 à 2010. Donc encore une fois, il faut rentrer dans cette boîte noire du religieux et de la croyance pour comprendre aussi pourquoi le djihadisme, dans sa version, on va dire, la plus dogmatique, fait sens auprès de jeunes esprits européens. Et ça, c'est quelque chose, notamment en France, avec lequel on a du mal, parce qu'on a tendance à penser que le religieux a été relégué finalement dans les méandres de l'histoire depuis les Lumières. Et que ce qui plaît, c'est seulement la forme violente ou radicale du djihadisme, alors qu'il y a une vraie problématique religieuse. Exactement. Et je pense que de ce point de vue-là, de faire de Daesh uniquement en fait un discours radical, et il y a beaucoup d'analystes hein, qui vont dans ce sens-là, d'analystes qui précisent finalement que Daesh serait une idéologie qui serait la plus corrosive, la plus violente sur le marché des idéologies, la drogue la plus puissante, si vous voulez, et donc ça s'expliquerait que des gens en recherche de, pardonnez-moi l'expression, de défonce, s'y réfugieraient. Mais c'est une vision en fait extrêmement simpliste qui ne voit pas en fait que derrière ça, les gens ils trouvent du sens. Et ils trouvent un discours sur la modernité. Et donc, c'est ça qui aussi doit être pris en compte au risque de passer à côté d'une grande partie de l'explication du phénomène. Aux cellules, tout le monde dehors, allez ! C'est quoi ça ? Où t'as pris ça ? Eh ben, qu'est-ce que tu fais avec le Coran, là ? C'est rien, chef, tranquille. Toi, ta gueule ! Allez, tiens, lâche pas ! Tu l'es ! Lâche-moi ! Ta gueule ! Tomber pour qu'il n'y ait plus de 12 septembre. Tomber pour rendre ce monde plus sûr. La France proposera... Il est où, Slim ? Oh, Slim, t'es pas prêt de le revoir. Tu as obtenu une remise de peine. T'as faim ? Avec moi, les gens vont te traiter de fou. Donc t'es un intégriste, un fanatique, un malade. Mais ils te mépriseront plus jamais. Parce que tu feras partie d'une famille. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulillah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulallah. Maintenant, tu es des nôtres. Il ne reste plus qu'à te trouver un nom. Mon frère. La prison doit être un appareil disciplinaire exhaustif. En plusieurs sens. Elle doit prendre en charge tous les aspects de l'individu, son dressage physique, son aptitude au travail, sa conduite quotidienne, son attitude morale, ses dispositions. Il faut qu'elle soit la machinerie la plus puissante pour imposer une nouvelle forme à l'individu perverti. Son mode d'action, c'est la contrainte d'une éducation totale. Ce réformatoire intégral prescrit un recodage de l'existence bien différent de la pure privation juridique de liberté. Premier principe, l'isolement. Isolement du condamné par rapport au monde extérieur, à tout ce qui a motivé l'infraction, aux complicités qui l'ont facilité. Isolement des détenus les uns par rapport aux autres. Non seulement la peine doit être individuelle, mais aussi individualisante. Et cela de deux façons. D'abord, la prison doit être conçue de manière à effacer d'elle-même les conséquences néfastes qu'elle appelle, en réunissant dans un même lieu des condamnés très différents, étouffer les complots et les révoltes qui peuvent se former, empêcher que se forment des complicités futures ou que naissent des possibilités de chantage, le jour où les détenus se retrouvent libres, faire obstacle à l'immoralité de tant d'associations mystérieuses. Bref, que la prison ne forme pas, à partir des malfaiteurs qu'elle rassemble, une population homogène et solidaire. En outre, la solitude doit être un instrument positif de réforme, par la réflexion qu'elle suscite et le remords qui ne peut pas manquer de survenir. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient d'entendre, interprété par François Raison, un extrait de Surveiller et punir, le grand texte de Michel Foucault. C'est la partie 4, prison. Premier chapitre, des institutions complètes et austères. C'est un texte de 1975. Et juste avant, on a entendu un extrait du film de Philippe Haïm, qui date de 2008, Secret Défense. On entend bien là un autre lieu, en fait, de propagation, de diffusion du djihadisme. C'est la prison. Hugo Micheron, il n'y a pas seulement des enclaves en milieu urbain, il n'y a pas seulement des phalanstères, un petit peu retirés du monde dans la campagne. Il y a aussi la prison. Oui, qui est le troisième espace qu'on oublie souvent, et sans évidemment chercher à faire le procès d'un grand penseur comme Foucault, en partie... Mais vous pouvez Non, mais en partie parce que on a finalement été un peu prisonnier de Foucault, si j'ose dire, c'est-à-dire on n'a pas osé voir que la prison était autre chose que ce qu'on a entendu dans ce texte, c'est-à-dire un lieu qui serait d'une part totalement coupé de la société. C'est l'un des éléments clés, je crois, de Foucault dans Surveiller et punir. Il y a, selon lui, une dichotomie fondamentale entre l'intérieur de la prison et l'extérieur, c'est-à-dire la société. Et d'autre part, on n'a pas vu ce qui est une des réalités pour tous ceux qui ont la possibilité de se rendre en prison. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est que il y a un ordre social complexe en prison. Or là, Foucault, dont on l'a entendu dans le texte, réduit un peu cet ordre social, finalement, à une asymétrie fondamentale entre des surveillants qui seraient les dépositaires des clés, qui auraient un pouvoir absolu, il dit, jusque sur les corps des détenus, qui seraient réduits finalement à des numéros. Et cela selon toute une technologie, notamment le recours au modèle métaphorique du panopticon, qui est ce dispositif architectural imaginé au XVIIIe siècle par Jeremy Bentham et qui consiste à placer un garde dans une guérite centrale à partir de laquelle l'intérieur de chaque cellule serait vu. Et Foucault réutilise cette image en disant finalement la prison, c'est cette image métaphorique de la société bureaucratique qui réduit les individus à la servitude. Et Foucault écrit tout ça, il faut mettre ça à son actif, sans être jamais allé de ses aveux même en prison, c'est, je crois, très important. Et aussi, et c'est important, il refuse d'en faire un modèle théorique. C'est-à-dire, c'est plutôt les Foucauldiens à sa suite qui ont érigé ça comme étant une théorie de la prison, alors que lui-même s'en est bien gardé. Pour lui, c'était une réflexion, un discours sur la société, sur la prison. Et donc, en fait, la réalité de la prison, c'est que d'une part, et on l'entend dans le premier extrait ce film, c'est intéressant, on entend bien comment l'extérieur pénètre à l'intérieur de la prison à travers la télé qui tourne derrière, où on entend François Fillon faire un discours, si je ne m'abuse, contre au sujet du 11 septembre. Et donc, vous voyez déjà, à travers la télé, à travers tout un tas de mécanismes qui, en 2021, sont évidents, notamment le recours aux smartphones et Internet, que ne pouvait pas, évidemment, anticiper Foucault, que désormais, il y a des connexions permanentes et des allers-retours permanents entre intérieur et extérieur. Et ça vaut aussi pour la société des détenus, qui elle-même fonctionne avec des hiérarchies. Il n'y a pas que les surveillants d'un côté et des détenus de l'autre, il y a des hiérarchies carcérales très évidentes, avec, si vous voulez, globalement dans les prisons françaises, tout en haut vous avez les grands braqueurs, les grands criminels, et puis vous descendez progressivement la délinquance en col blanc, et vous finissez avec les affaires de mœurs, c'est-à-dire les pédophiles ou les violeurs qui, eux, généralement subissent les vicissitudes du monde carcéral. Et donc ces hiérarchies créent des groupes, créent des rapports de force qui sont aussi internes à la détention. Et donc pas seulement, si vous voulez, ce n'est pas vertical, c'est un monde qui est plus horizontal qu'il n'y paraît, même si évidemment il y a une question effectivement de contrôle par la pénitentiaire et l'État, mais il faut aller au-delà. Et ça, c'est très frappant quand il s'agit du djihadisme, puisqu'en fait, depuis la fin des années 90, avec l'incarcération des premiers militants djihadistes liés à Al-Qaïda en Europe, ou au GIA, on va avoir en fait des djihadistes qui vont très bien comprendre l'utilité pour eux de la prison, puisqu'ils vont en fait se retrouver au contact avec un public qui, dans les prisons françaises, est majoritairement jeune, exposé à 50% à la récidive, dans une grande minorité, voire dans la majorité maintenant de certaines prisons franciliennes issues de l'immigration musulmane, et donc qui en fait représente, si vous voulez, un petit peu l'idéal type du recruté pour le djihad. Et ça, ils vont le comprendre très tôt. Et c'est ainsi que, par exemple, Jamel Begal, qui était un djihadiste algérien lié à Al-Qaïda, incarcéré pour une tentative d'attentat ratée en 2001 contre l'ambassade américaine à Paris, va devenir, en prison, à Fleury-Mérogis, le mentor d'un certain shérif Kouachi, qui, avec son frère, commettra les attentats de Charlie Hebdo 10 ans plus tard. Et les exemples pourraient être multipliés comme ça, aussi en Angleterre, en Allemagne, au Danemark. Vous voyez, donc on a affaire à un schéma qui concerne au moins l'Europe du Nord-Ouest, qui est qu'en fait, la prison a été un espace à part entière de diffusion et de recrutement du djihadisme, mais en lien avec les dynamiques qui se passent à l'extérieur, c'est-à-dire sur les terrains du djihad en Irak, en Afghanistan, et évidemment dans un certain nombre de quartiers où étaient actifs ces militants qu'on évoquait au début, ces premiers prosélytes qui formaient des petits microcosmes, peu identifiés parce que pas toujours intéressés par l'organisation d'attentats, mais organisés par la diffusion de leur idéologie à l'échelle d'un territoire. Et c'est ça qu'on a souvent raté, en fait, c'est qu'est-ce que le djihadisme entre deux attentats? Alors qu'on le croit faible, finalement, il est en train de se régénérer. En fait, on en est au moment de la préparation ou de l'éducation, de la diffusion, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des cycles. Pour le faire très simplement, très schématiquement, il y a des phases de force et des phases de faiblesse. Mm-hmm. Par ailleurs, un élément que eux-mêmes ont théorisé. Et si vous voulez, nous, on comprend assez bien, parce qu'il est très visible ce qu'est le djihadisme en phase de force, c'est-à-dire quand il s'exprime par des attentats, quand des volontaires font des discours qui peuvent paraître aberrants sur Internet en expliquant qu'ils vont conquérir Rome ou Jérusalem. On voit ça de façon très visible. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'est le djihadiste quand il est dans ses phases de faiblesse, c'est-à-dire quand les réseaux d'Al-Qaïda sont démantelés après 2001 en Europe, quand Ben Laden est tué en 2011 et que Al-Qaïda est en crise. Quand il y a les printemps arabes et qu'on pense qu'on est dans une phase d'émancipation, par exemple. Oui, exactement. Et donc que finalement, parce que les printemps arabes, à bien des égards, c'est le cauchemar des djihadistes. Mais on ne voit pas comment eux vont essayer de se repositionner par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, ils étaient, il est vrai, en déclin, ou ce que devient le djihadisme depuis que Daesh, sous sa forme d'entité territoriale, s'est effondré. Et on est dans ce creux-là. On est dans un creux comme ça, on voit bien qu'avec le retour des... On peut redouter qu'on soit en pleine phase en fait de faiblesse, mais qui serait en fait une phase de préparation. Oui, mais on doit pas le redouter. Mon sentiment, c'est plutôt que c'est ces périodes-là qu'on a insuffisamment analysées, et c'est ces périodes où se prépare l'après qu'on ne comprend pas, et donc on est pris de court quand en fait ils ont repris des couleurs, ou qu'un événement aussi imprévisible que la guerre civile en Syrie ou l'invasion américaine de l'Irak en 2003 va produire des opportunités dont ils vont se saisir et dans lesquelles ils vont aller se nicher. Et ça, c'est pour ça que je crois qu'au-delà, si vous voulez, des poussées de fièvre médiatique autour des attentats, il y a la nécessité, c'est, je crois, notamment le travail de la recherche, par ailleurs, des chercheurs. C'est ce que vous faites, mais, c'est ce que vous avez fait. À ma modeste mesure, j'essaie de contribuer, mais je pense que c'est encore un phénomène qui doit se développer dans l'université, notamment à travers un travail abouti de terrain, d'essayer de documenter finalement ce qu'est le djihadisme entre deux attentats à marée basse, puisque c'est ça qui nous permettra d'anticiper, si vous voulez, un certain nombre de dynamiques qui jusque-là nous ont pris trop souvent de court et qui créent des conséquences désastreuses, aussi bien au niveau sécuritaire et au niveau de ce que peut représenter un attentat comme le 13 novembre pour la France par exemple, mais aussi au niveau politique, puisque ça polarise totalement l'opinion publique et ça produit, on l'a vu, notamment des réactions parfois extrêmement dramatiques qui se traduisent par des votes de rupture. Mais vous, Hugo Micheron, vous avez fait tout un travail de recherche pendant ces périodes un petit peu à marée basse, comme vous dites. Qu'est-ce que vous en avez tiré quand vous avez été en contact avec des anciens djihadistes, peut-être des djihadistes repentis, peut-être d'autres qui n'étaient pas repentis ou du coup qui ne disaient rien? Qu'est-ce que vous en avez tiré, en fait? Non pas seulement sur leur profil, sur la provenance, sur l'utopie djihadiste, mais vraiment, en fait, sur l'avenir, en fait, de ces individus et sur l'avenir du djihadisme. Bah, précisément, j'ai eu le sentiment qu'on était au début d'un mouvement que j'appelle donc le djihadisme européen ou le djihadisme français, qui est en fait en voie d'autonomisation. C'est-à-dire que jusque-là, on avait, comme j'ai pu l'évoquer, un djihadisme transplanté de l'Afghanistan à l'Europe, qui s'était en partie autonomisé, mais désormais, on a des idéologues français, des individus qui sont français, qui ont leur repère dans le débat public français, dans la société démocratique, etc. Mais en même temps, qui ont, et l'un d'entre eux me l'a dit, il m'a dit, moi j'ai deux logiciels intellectuels, et il m'a dit, il y en a un qui me permet de comprendre ce que représente une déclaration du président de la République et un discours, etc., pour comprendre un peu, en gros, dans le sens dans lequel va le débat public. Et il dit, puis j'ai un autre logiciel, qui est que je sais exactement comment penserait un enfant qui aurait passé 20 ans sous Daesh, qui aurait grandi sous Daesh. Et il dit, moi j'ai un peu des deux. Et ce double logiciel, c'est ce qui fait que désormais, on a des Européens qui vont développer une pensée djihadiste européenne. Alors, ils sont pas... Et comment faire nombreux. Si la prison est productrice, s'il y a des enclaves qui nous échappent, si ces phases de préparation nous sont un petit peu opaques, comment faire, Hugo Micheron? Ben, déjà, il y a eu une réaction, hein, il faut le souligner, à plein de niveaux. La prison que j'évoque, le système que j'évoque dans le livre, a évolué. Peut-être d'ailleurs que ça participe... Enfin, il faut le souligner, je veux dire, on n'est pas statique non plus. Ce qu'il faut faire, je crois, c'est réussir à poser en fait enfin le diagnostic. On a souvent tendance à débattre sur l'écume des vagues, et je crois qu'il est vraiment temps de prendre du recul, de monter de deux ou trois cents mètres pour voir vraiment le sens de l'onde des vagues, et ça passe par rapport à l'exemple que je viens de vous prendre de cet individu qui dit que j'ai les deux logiciels. En fait, ils ont eu un temps d'avance jusque-là, parce que nous, on en avait qu'un. On avait que notre manière d'interpréter cette réalité djihadiste qui nous sautait aux yeux et qu'on avait du mal à percevoir, à comprendre. Et désormais, il faut aller aussi sur le terrain de ce que ces gens pensent pour comprendre comment ils fonctionnent et typiquement comment ils s'adaptent. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être mis en place. Moi, ce que je pense, c'est que la question sécuritaire seule sera très très loin de résoudre le problème. C'est-à-dire, c'est pas en multipliant finalement les lois, et certainement pas en sortant de l'état de droit, qu'on résoudra un problème qui est posé par une idéologie. Et comme l'a dit l'un d'entre eux, c'est d'ailleurs un des éléments de propagande récurrents qu'ils utilisent, on peut tuer un djihadiste, mais on peut pas tuer une idéologie. Et ça, c'est pas totalement faux, mais par contre, il y a une manière de comprendre les effets de cette idéologie et d'agir là-dessus. On a affaire à un problème, une question sociétale. Et je pense en l'état qu'en France, on arrive à poser un certain nombre de points dans le débat, mais il y a une tendance au déni qui est très forte. Et je crois qu'entre le déni et l'hystérisation, il y a une voie commune qui est, ben voilà, celle de reprendre le contrôle par la compréhension de ces dynamiques, et pas de tourner le dos. Là où لو تحرق الكرم بينبت زهري عبي البري لو تسرق عيوني الحكي عيون الحكي تبقى الأغاني كل سهري. Hugo Micheron, on vient d'entendre une de vos recommandations, c'est Kalila Wadimna, c'est un opéra en fait de Monheim Adouane. Pourquoi ce choix? Vous avez quelques secondes pour nous expliquer. Oui, bah déjà la très belle traduction qu'on peut en donner en français, qui est très importante: si vous tuez un prophète, il renaîtra en 1000 chansons, si vous brûlez un vignoble, des fleurs y pousseront en abondance, si vous volez l'essence des paroles, les chansons continueront à nourrir nos veillées. Et donc c'est l'un des premiers chefs-d'œuvre de la prose en langue arabe, là en l'occurrence chanté en arabe levantin, et qui, je crois, est très important d'utiliser peut-être comme un hommage dans cette semaine si particulière qui voit à la fois, qui ouvre sur la commémoration des 20 ans du 11 septembre, mais aussi sur ce procès tant attendu des atrocités du 13 novembre 2015. Merci beaucoup Hugo Micheron d'avoir été avec nous, enfin de loin, de Princeton. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le djihadisme français, quartier, Syrie, prison. C'est paru aux éditions Gallimard et je recommande vraiment la lecture de cet ouvrage qui est vraiment passionnant. Merci beaucoup Hugo Micheron. Merci beaucoup. قلبه رجف وبرجفته حلمي وهلا اوان القطف رح الحقوه وابني انت العايش رك تتحصل رغيفك انت الخافت مرى الجوع من طيفك يا دمنا يا ابني يا خيي يا خيي بعد عن هموم البلك بعد عن السيوف يا دمنا يا ابني يا خيي يا خيي Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. La vie est-elle ce qui résiste à la mort ? Il y a une définition de la vie qui est beaucoup plus profonde qu'elle ne le semble au premier abord. C'est celle qu'a lancée le jeune médecin Bichat au début du XIXe siècle, qui définissait la vie, je cite, « comme l'ensemble des forces qui résistent à la mort ». Au début, on se dit que cela ne nous apprend rien, on croit à un bon mot, on croit à ce qu'on appelle une lapalissade, du nom de ce bon monsieur de Lapalisse, dont on disait, comme vous le savez, que tant qu'il n'était pas mort, il était encore vivant. Et cela est resté comme l'exemple même des phrases qui ne nous apprennent rien, qui ne veulent rien dire, puisque finalement il est évident que tant que je suis vivant, je ne suis pas mort, que la vie est le contraire de la mort. Pourtant, un indice doit nous alerter pour nous montrer la profondeur possible de cette définition et même de cette phrase de monsieur de Lapalisse, c'est que chaque grand philosophe a été aussi à un moment un monsieur de Lapalisse. Chaque grand philosophe, me semble-t-il, a inventé une lapalissade profonde, singulière, sur le rapport paradoxal minimal entre la vie et la mort, mais en y mettant quelque chose comme un défi. Citons-en deux, Sartre et Ricoeur, des défis existentiels jetés à la fois à la mort et à la philosophie. Sartre qui disait « la mort ne mourra pas vivant », ou bien Ricoeur qui formulait le vœu paradoxal de rester vivant jusqu'à la mort. Cela semble, là aussi, des évidences, et pourtant il y a un défi, puisque Sartre traite la mort comme un ennemi et l'être humain comme quelqu'un qui choisit de ne pas rester vivant face à elle si elle vient l'attaquer. Et puis Ricoeur, pour qui rester vivant jusqu'à la mort, dont la phrase est interprétée aujourd'hui dans les débats sur la fin de vie, en comprenant ce que veut dire rester vivant. Est-ce que c'est seulement rester en vie avec l'organisme qui fonctionne, ou bien assumer toutes les fonctions du vivant humain? Cette phrase donc, la vie est l'ensemble des forces qui résistent à la mort, est peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Elle relève en fait plusieurs défis. D'abord un défi de définition de la vie. Nous ne savons pas ce qu'est la vie avec une majuscule, l'essence de la vie. Nous ne savons pas non plus ce que c'est que la mort. Mais il y a une chose que nous savons, c'est leur contradiction. Et c'est le fait que chaque vivant peut être d'abord les vivants singuliers. Et il n'y a peut-être rien d'autre à connaître ou à comprendre que les vivants singuliers, au moins dont nous savons une chose, c'est qu'ils affrontent leur contraire, le risque de leur disparition, le risque de l'interruption de la vie, et ils résistent de plus d'une façon. Chaque vivant se définit d'abord par ce risque. Et la médecine, des techniques aussi qui luttent contre ce risque les accompagnent. Et chez les vivants humains, il y a peut-être le paradoxe qu'il y a plus d'une forme de mort auquel résiste plus d'une force de vie. Nous pouvons mourir d'humiliation, nous pouvons mourir d'injustice et choisir aussi d'y résister de plus d'une façon. De cette façon, si on prend l'ensemble des forces qui résistent à la mort, comme l'ouverture d'un programme de recherche d'une définition à la fois minimale et complète du vivant, des vivants humains, nous pouvons comprendre que cette définition, bien loin d'être absurde et tautologique, nous ouvre un champ de recherche et désigne quelque chose d'absolument irréductible. Merci Frédéric. Votre chronique est à écouter ou réécouter sur France Culture à la page du Pourquoi du Comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Florent Bujon et Arthur Dumont. Et merci aussi à François Raison à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou sur l'excellente application Radio France. Rendez-vous aussi demain pour la suite et la fin de notre semaine sur le terrorisme. Et demain, nous serons en compagnie de Nathalie Monin pour évoquer la pièce de Jean-Paul Sartre, Les mains sales, avec cette question : tuer pour exister ?